Toujours à l'occasion de la journée de la brillante étoile, les représentations diplomatiques coréennes au Pérou, au Brésil, au Venezuela, au Mexique, au Koweït, en Afrique du Sud, en Guinée équatoriale, en Guinée, en Éthiopie, au Sénégal, en Égypte, au Nigeria, au Congo démocratique, en Ouganda et en Algérie, la représentation permanente coréenne à l'Office des Nations Unies et aux autres institutions internationales à Genève, et la représentation permanente coréenne à l'ONU ont abrité les rassemblements, rendez-vous d'amitié, banquets, expositions de livres, de photos et d'objets d'art, et séances cinématographiques. Dans les salles de cérémonie, se trouvaient exposées les photos montrant la vie révolutionnaire et les exploits des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, et des photos du dirigeant suprême Kim Jong-un dans ses activités révolutionnaires. Dans les séances de films, ont été projetés des documentaires coréens, y compris le documentaire « Célébration solennelle des 70 ans du Parti Travail de Corée » en présence du respecté camarade Kim Jong-un. Les personnalités de différents milieux des pays hôtes y ont été invitées. Les diplomates coréens y étaient présents. Ils ont déposé les corbeilles et gerbes de fleurs devant les portraits en sourire des grands leaders coréens et le tableau de peinture représentant les deux grands hommes avant de leur rendre hommage.